Dans ce 16e épisode, je vous parle de l'adaptation d'un jeu de plateau sur iOS, et c'est un jeu qui va vous déménager les méninges. Bienvenue dans le podcast du blog moptimize.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Moptimize. Après vous avoir parlé de la loi de Parkinson dans l'épisode 15, il y avait eu un petit interlude de 15A pour vous annoncer le retour de Nip Life sous la forme de Relife. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais vous parler d'un jeu. Alors malheureusement que sur iPhone pour l'instant, mais c'est également un jeu de plateau. Ça s'appelle Paperback, c'est sorti cette semaine. Et le principe de Paperback, c'est un jeu de cartes avec des lettres. Et le but va être de former des mots. Avec les lettres que vous aurez tirées, il y a pas mal de cartes. Qui sont des espèces de jokers qui vont vous permettre de faire la lettre que vous voulez. Et donc en faisant ces mots, vous allez gagner des points, et ces points vont vous permettre d'acheter de nouvelles cartes qui contiennent d'autres lettres ou des groupes de lettres. Et ces cartes ont également parfois des actions un petit peu spéciales. Et comme ça, au fur et à mesure du jeu, en gagnant suffisamment, vous allez pouvoir acheter des sortes de super jokers. Et quand ces super jokers auront été achetés, la partie prendra fin. Et il y aura un décompte des points. Donc c'est un jeu relativement facile à jouer. Je dis relativement facile à jouer parce que pour l'instant, c'est un jeu qui est uniquement en anglais. Donc j'avais déjà fait un article sur le blog pour expliquer un petit peu comment apprendre l'anglais, comment s'améliorer en anglais. Une des façons que j'avais proposées, mentionnées, c'est de regarder des films ou des séries en version originale et éventuellement avec les sous-titres en anglais ou dans la langue que vous désirez apprendre. Et typiquement, de faire des petits jeux comme ça, c'est un très très bon moyen de continuer à améliorer votre vocabulaire, votre orthographe. Donc là, typiquement sur de l'anglais. Et voilà, c'est un petit jeu très très agréable qui joue vraiment en tour par tour, qui a pas forcément besoin de connexion internet, mais qui peut se jouer avec soit contre l'ordinateur, soit contre des joueurs dans le monde. Donc moi, vraiment un coup de cœur pour moi. Les cartes sont très très belles, c'est très très fun, très très facile à jouer. Moi, les seuls bémols que j'y mettrais, que j'ai mis, enfin une proposition d'amélioration même du jeu que j'ai mis dans les commentaires, c'est d'avoir éventuellement d'avoir un dictionnaire pour une fois que le mot, que ce soit le nôtre ou celui d'un de nos adversaires a été validé, pour avoir éventuellement une définition. Également des propositions de avec les cartes qu'on avait en main, qu'elle aurait pu être une des meilleures solutions pour faire le plus de points possible. Ça peut être un très très bon moyen d'améliorer son vocabulaire et d'améliorer son niveau dans le jeu. La dernière chose serait d'avoir plusieurs langues, mais là je pense que ça nécessiterait un petit peu comme le Scrabble, une grosse réflexion sur quelles sont les lettres les plus utilisées en fonction des langages pour ajuster un petit peu le système de points. Donc voilà. Donc ce que je disais, Paperback, c'est disponible uniquement sur iOS pour l'instant, et c'est l'adaptation d'un jeu de plateau qui a reçu pas mal de prix en 2014, qui en est visiblement à sa troisième édition en 2016. Donc un très très bon jeu de plateau. Il faut compter visiblement dans les 25€ pour le jeu en version plateau. Pour ce qui est du jeu sur iOS, on est sur 4€. Alors je sais, c'est pas donné, mais c'est un jeu très très beau et un jeu très très agréable à jouer. Voilà, peut-être qu'un jour, il y aura aussi une adaptation sur les Android, je l'espère. Et ben, en attendant de vous revoir pour un nouvel épisode sur une des lois de la productivité, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous proposer d'aller partager votre avis sur le jeu si vous l'avez acheté, si vous y avez joué, sur le jeu Paperback. Et sinon, eh ben, faites-moi des propositions également de jeux qui peuvent passer le temps, mais en ayant derrière cette notion d'apporter quelque chose de plus. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, quelle que soit l'heure de la journée où vous écoutez, et je vous dis à très bientôt sur le podcast M'Optimise et sur le site moptimise.com.